إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن من رحمة الله ما فتح لهم من العلوم خصوصا في مجال الطب وهم مع كل ما وصلوا إليه من الثورة العلمية كما قال سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وكلما زاد علمهم واكتشافاتهم كلما زاد يقينهم بعظيم جهلهم بخلق الله وتصريفه وعلموا أن الله سبحانه قد أبدع في صنعه وأعجز في خلقه فكل من تأمل في خلق الله وصنعه عرف أنه الإله الحق المبين وكل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لقد قال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون ومن تفكر في نفسه وكيف ركب الله خلقه وما أودع الله فيه من أسرار قدرته زاد إيمانه وزاد إيمانه وعلم عظيم فضل الله عليه ونعمته عباد الله إن مما يزيد الإنسان يقينا بوحدانية الله هو اضطرار العبد لربه وأنه لا ينجيه مما حل به إلا هو سبحانه كما كان حال الكفار إذا ركبوا في الفلك ولعب بهم الموج قالوا لبعضهم إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تخلصوا لله وحده الدعاء فإذا نجوا ورجعوا للبر رجعوا لشركهم كما قال الله تعالى عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وهذه حال كثير من الخلق لا يعرفون الله إلا في الشدة ولهذا يخذلون عند الشدائد ولقد وصى المصطفى صلى الله عليه وسلم ابن عباس كما في سنن الترمذي بسند صحيح بقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وقد قال سبحانه وتعالى عن حال الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فإذا احتاج فزع إلى ربه والله جل وعلا ينعم على العبد ويحلم عليه ولكنه يذكره إذا أعرض ببعض البلايا التي تجبره على الرجوع لخالقه الذي لا صلاح ولا نجاح له إلا به جل في علاه وإن البلايا التي تنزل على الخلق فتكون مذكرة للمؤمن ورادة له إلى الصواب وعقوبة على الكافر ومستحق العقوبة من المسلمين ومن جملة البلايا التي نزلت على الناس تلك الأوبئة التي تتنوع في كل فترة، ولكن للأسف أن بعض الخلق ينشغل عن الحكمة التي من أجلها نزل البلاء بما لا فائدة فيه، كما يقول إن هذا البلاء مؤامرة، ويقول آخر بسبب الأطعمة، ويقول ثالث حرب بين الدول، وكل هذا رجم بالغيب. وإن كانت المحصلة واحدة، المحصلة واحدة، وهي أنه نزل البلاء من الله وبقدره أيا كان سبب حدوثه، فما هو موقف المؤمن منه؟ الجواب سبق ذكره: لنرجع لربنا، ولنتذكر فضله وعفوه، ولنستغفر من ذنوبنا، ولنعلم أنه كلما عظم البلاء كلما دل على عظم الإعراض من الناس. وفي ظل هذا الوباء المنتشر كورونا، تبرز مسلمات متينة وأصول عظيمة في عقيدة المسلم يجب الإيمان بها، ومن أهمها الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك أيها العبد لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن هذا الخلق كله طوع تدبير خالقه سبحانه وتعالى وتصريفه بموجده جل في علاه. الله خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو الذي أوجد هذا الوباء وخلقه وسيره، وجعل الناس فيه بين ناج منه ومصاب فيه، وكل ذلك بتقدير العزيز العليم. روى الترمذي وأحمد وغيرهما وصححه الألباني عن الوليد بن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلت على والدي وهو مريض أتخيل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصيني واجتهد لي. فقال: اجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتاه، كيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ومن المسلمات التي يجب الإيمان بها في ظل هذا الوباء المنتشر التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه في هذا المرض وفي غيره، وبعد فعل الأسباب المشروعة للوقاية منه وقبل وقوعها، والأخذ بأسباب الشفاء والعافية بعد الإصابة بها، ومن ذلك اللقاح التي أكدت وزارات الصحة في جميع بلاد المسلمين بعد دراسات متعددة ومراحل اختبار متطورة مأمونيته وفاعليته بإذن الله. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد ليرفعهم ويمنعهم ليعتيهم. ولما سلط الله الكورونا على الخلق لم يكن ذلك منه ليهلك الخلق، فهو أرحم بهم من أمهاتهم، ولكن لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولما شاء الله رفع البلاء والوباء يسر الله لهم معرفة علاجه. غير أني أنبه لأمر مهم لنفسي ولإخواني، إياكم أن تكونوا بوقا ينقل الإشاعات بلا علم ولا روية، ولا تتكلموا فيما لا علم لكم به. فنلاحظ أو نلحظ انتشار الشائعات التي تحذر من اللقاحات، وإذا نظرت إلى من يتناقلها تجدهم عوام الناس مما لا علم لهم بذلك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. والله ولله الحمد، فالأمر اختياري، فمن شاء أخذ اللقاح ومن شاء تركه، ولكن لا تثر الرعب بين الناس بلا علم، ومن شاء أخذه بسهولة ويسر، ومن شاء تركه. وكل ذلك لا ينافي التوكل على الله، بل هو من فعل السبب، وفعل السبب هو من التوكل على الله. ثم إننا نقول: الشفاء كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، من الله تعالى. والداء والدواء خلقه، والشفاء والهلاك فعله، وربط الأسباب بالمسببات بحكمته وحكمه. فكل ذلك بقدر الله، وقد يسر الله لعباده فعل الأسباب التي توصلهم إلى دفع المضرات والوصول إلى ما فيه منفعتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رواه البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah. Préparez-vous pour le jour dans lequel vous serez debout devant lui et vous serez jugé pour vos œuvres. Serviteur d'Allah, parmi la grâce d'Allah pour ses serviteurs, c'est qu'il leur a ouvert différentes portes de la science. Et il leur a donné les connaissances de différentes choses dans la création. Mais malgré ça, plus l'être humain avance dans la découverte scientifique, et plus il réalise qu'il est ignorant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez reçu de science que très peu. Et donc, Allah Azza wa Jal, il nous donne dans les preuves et toutes les choses qu'on découvre dans la création, des évidences de son existence, de sa toute-puissance, de sa perfection, et comment il a créé toute chose d'une manière parfaite. Et plus on avance dans cette science, et plus on réalise à quel point on est dépassé par le niveau de perfection dans lequel Allah Azza wa Jalla a créé cette immense création. Et il y a des signes dans chaque chose qui existe de son existence et de son unicité. Alors c'est à nous de réfléchir sur sa création. Parmi les choses également qui nous augmentent en conviction et en foi en Allah et dans l'unicité d'Allah, le fait que l'être humain, il a toujours besoin d'Allah. Et il est toujours dans le besoin de son Créateur. Et au moment où l'être humain, il se sent en sécurité et qu'il n'a pas de danger ou de peur, il oublie son Créateur, il oublie Allah Azza wa Jal, il pense qu'il se suffit à lui-même. Du moment qu'il est touché par un malheur quelconque, une maladie, ou un danger, ou une crainte, ou peu importe, il se tourne et se précipite vers son Seigneur pour se rappeler de lui. Alors que le vrai croyant, il se rappelle d'Allah dans toutes les circonstances, que ce soit dans l'aisance ou dans la difficulté. Tandis que les non-croyants, ils se rappellent uniquement d'Allah lorsqu'ils ont des épreuves, lorsqu'ils ont des problèmes. Et à ce moment-là, ils reviennent à Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour cette raison que Allah Azza wa Jal, il fait que l'être humain, il l'éprouve à chaque fois par des situations difficiles, des maladies, des épidémies, des pandémies, des choses qui se passent, comme qu'est-ce qu'on voit actuellement avec le Covid. C'est la même chose. Et donc Allah Azza wa Jal, il a des sagesses dans cette chose qui se passe. Et dans toute chose qui arrive dans la création, Allah Azza wa Jal, il a une sagesse dans ça. Il y a une raison pourquoi il le fait. Et c'est pour faire en sorte que le serviteur revienne repentant à Allah et demande pardon pour ses péchés, pour réaliser qu'il a transgressé contre les limites d'Allah Azza wa Jal. Donc le croyant, il prend ça comme une alerte, un signal d'alerte pour qu'il comprenne qu'il doit arrêter de désobéir et qu'il doit revenir à l'obéissance. Tandis que pour le mécréant et celui parmi les musulmans qui vit dans la transgression, qui fait des péchés, eh bien c'est pour lui un châtiment en même temps, une punition pour ses fautes. Pour le croyant, c'est une purification et pour le mécréant, c'est une punition. Et donc, les exemples de ce qui se passe, certains, parfois parmi les musulmans, ils tombent dans certaines explications au sujet de cette pandémie qui sortent de la raison, de la sagesse réelle pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné. Par exemple, certains d'entre eux, ils vont dire, ça c'est un complot, c'était créé dans un laboratoire, ça a été échappé par erreur par tel ou tel pays, hein. Ou bien certains qui disent, par exemple, c'est à cause des vaccins. Ils ont inventé un genre de complot qui dit que certains dans le monde veulent contrôler l'humanité ou exterminer l'humanité, et donc ils ont trouvé les vaccins pour le faire. Et tout ça, en réalité, c'est de parler sans science, parce qu'il n'y a aucune preuve pour établir ces choses-là, sinon des déformations de la réalité qui sont souvent basées sur des mensonges ou des déformations des faits. Mais la vraie raison et la vraie sagesse de cette pandémie, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a prédestiné. Il l'avait prédestiné 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Parce qu'il n'y a rien qui se produit dans la création excepté par le qadar, par la volonté d'Allah. Et il l'a écrit, et il l'a prédestiné, il l'a voulu, et il l'a créé. Et donc le croyant, il ne sort pas de cette compréhension-là et de cette réalité-là. Parce que peu importe la cause qui a été derrière la propagation de ce virus, la réalité, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a permis. Parce qu'il n'y a rien qui peut se produire dans la création excepté par la permission d'Allah. Et même lorsqu'on parle de la mutation des virus, même quand on parle des différents variants de ce virus, un virus, il ne pourra pas muter sans la permission d'Allah. Et s'il mute, parce que les virus, ils mutent, il y en a par milliers et par millions même. Parmi les mutations, il y en a qui restent, il y en a qui restent pas. À chaque instant, à chaque seconde, il y a une nouvelle mutation qui apparaît. Certaines disparaissent, certaines restent. C'est par la permission d'Allah. Il n'y a rien qui se passe dans la création, même au niveau des atomes, excepté que c'est par la volonté et par la connaissance et par la science d'Allah. Ça fait partie des fondements de notre croyance en tant que musulman. Donc c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas oublier nos principes, il ne faut pas oublier nos fondements, il ne faut pas oublier en même temps aussi que tout ça, c'est pour nous faire retourner à Allah, pour qu'on demande à Allah pardon pour nos fautes et nos péchés. Plus notre éloignement est grand, plus le malheur va être grand. Parce que Allah, il nous éprouve selon la grandeur de notre rapprochement ou de notre éloignement. Et donc, tout est prédestiné et tout est dans la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Et sachez, mes frères, que également le musulman, quand il met sa confiance en Allah, eh bien, il doit en même temps prendre les causes nécessaires et faire les moyens nécessaires pour se préserver. Avant d'attraper la maladie, il fait les causes pour éviter de l'attraper. Pendant qu'il l'a attrapé, il fait les causes pour éviter que ça s'aggrave, pour essayer de guérir et en même temps pour éviter de le propager aux autres. Et après l'avoir eu, eh bien, il prend les causes également pour aider à faire en sorte que il empêche que les autres puissent l'attraper. Et parmi les moyens que Allah Azza wa Jal a fait en sorte que l'être humain puisse découvrir, parce qu'il a dit qu'il fait descendre la maladie, c'est Allah qui fait descendre la maladie, et c'est lui en même temps qui donne la guérison. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour chaque maladie, il y a un médicament, il y a un remède. Mais c'est pas tout le monde qui le connaît. Et pour le découvrir, ce remède, il faut faire des recherches, il faut chercher pour le découvrir. Et lorsqu'on le découvre, alhamdoulillah, c'est par la grâce d'Allah. Donc, parmi les moyens, il y a le virus, éliminer ce virus, il y a le vaccin. Et certains parmi les musulmans ont propagé des rumeurs à propos de ce vaccin pour faire peur aux gens en leur disant toutes sortes de choses, mais sans aucune preuve. Donc, il y a les ministères de la santé dans différents pays dans le monde, y compris les pays musulmans, qui ont vérifié et testé ces vaccins et qui ont établi qu'ils sont profitables, qu'ils sont bénéfiques par la permission d'Allah pour empêcher la propagation de ce virus-là. Donc, il est encouragé de le faire, de le prendre, ce vaccin-là, pour empêcher justement la prolifération et la propagation de ce vaccin. Bien entendu, il n'est pas obligatoire. Celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Mais qu'il sache que parmi les causes pour mettre sa confiance en Allah réellement, c'est de prendre les moyens, et ça fait partie des moyens qui sont licites et qui sont permis et qui peuvent être bénéfiques par la permission d'Allah. Donc, de toute manière, peu importe qu'est-ce qu'on décide de faire et qu'est-ce qu'on fait, il faut comprendre et se rappeler tout le temps que la guérison, elle vient d'Allah. En tous les cas, que ce soit une petite maladie ou une grande. Et que c'est Allah Azza wa Jal qui a été là. C'est lui qui crée la cause et qui crée les effets et qui fait en sorte que tout ce qui se produit dans l'univers se produit. Donc il faut que le croyant mette sa confiance en Allah Azza wa Jal et cesse d'avoir des doutes dans des choses qui ne nécessitent pas ou qui ne méritent pas d'avoir, de nous faire douter. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم